Que d'antices les airs, quelle séditieuse fête se libère. Ses propres vers sont-ils faits pour ceindre nos têtes? Qu'est-ce insensés couraient de toutes parts, les yeux étincelants et les cheveux épars, au gré d'un aveugle délire. Bacchus qui préside à leur feu. On les transporte, ce que les respire, je les entends.